différence n'a pas le droit de citer. Celui qui but la ciguë en témoigne à la véracité. La République assimile, annihile nos racines, nos racismes s'y démocratise au travers d'une politique d'urbanisme qui ostracise. Et si mes mots sont acides, que je passe pour un caractériel, c'est que j'ai du mal à comprendre que ma mère ne parle pas sa langue maternelle. Et je cherche une alternative agacée par ce principe d'intégration qui ne cesse de me tracasser. Mais je n'ai pas de panacée pour m'en débarrasser, canasser. Je ne fais que bavasser, jacasser. Enfant de cette république désunie, je cultive les codes qui la pérennisent. Élevé pour trouver mon accomplissement dans les placements et la tête des classements. Classé par mon niveau d'études, soit ma docilité, facilité, assimiler, se mouler dans la culture dominante. Toujours prêt à prendre la voie la plus opprimante pour qu'on me complimente. Coupable et victime d'une violence tacite, car classé par mes revenus, c'est-à-dire mon aptitude à produire à la place d'un concurrent ou à créer de la demande là où il n'y en a aucunement ou autrement. À faire de la plus-value sur le labeur d'autrui, donc à son détriment. Le sourire plein de duplicité. Je prêche liberté, égalité, fraternité. Mais je participe à la hiérarchie culturelle, langagière, sociale, économique, sexuelle. Car je transmets ces échelles de valeurs par mes comportements, mon aspect, mes vêtements, mon parler. Tous sont connotés de codes, de normes qui révèlent et maintiennent un ordre. Et c'est de cette façon que je véhicule la discrimination, sans me rendre compte qu'elle est vecteur d'aliénation de tant de générations. Ce modèle qu'on doit mériter, qui boit les altérités, laisse les identités, les aspérités. J'en ai hérité.